La légende des pierres des rivières. Il y a fort longtemps, les rivières étaient le domaine des nymphes, les fées de l'eau. Elles aimaient à se baigner dans les eaux fraîches des torrents et des cascades des montagnes. Elles portaient autour de leur cou de beaux colliers de perles précieuses, émeraudes, saphirs, diamants, rubis. Un jour, de vilains pêcheurs les capturèrent dans leurs filets et voulurent s'amuser d'elles. Ils arrachèrent du cou leurs magnifiques colliers qu'ils voulaient garder et les admirèrent longtemps, projetant de les échanger contre mains et mains objets et biens. C'est alors que le roi de la montagne, grand ami des nymphes, vint à leur secours. Il s'agissait de l'aigle. Il fonça vers les filets, les rompit de son bec sous les yeux ahuris et pétrifiés des hommes. Nos nymphes sautèrent dans l'onde et disparurent. Quant aux pierres précieuses, elles se transformèrent soudain en cailloux sans aucune valeur. Les hommes dépités les jetèrent alors dans la rivière et s'en retournèrent chez eux, se promettant de ne jamais parler de leur mésaventure. Depuis, dans toutes les rivières des montagnes, on trouve ces petits cailloux ronds. Ce sont les pierres des nymphes. C'était un conte de Carmen Montet, avec la voix de Christine Berthier.